qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Tour du monde des terres françaises oubliées, c'est le titre du nouveau livre de Bruno Fuligny aux éditions du Trésor. Franck Ferrand l'a lu et visiblement apprécié. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Voici en effet un petit livre inattendu et passionnant comme on les aime. Bruno Fuligny, qui est notre invité aujourd'hui, y évoque ces poussières d'empire encore rattachées à la France. L'archipel des Chesterfield, l'île intermittente de Julia, le récif Ernest Legouvet et bien d'autres lieux dont je vous avoue que je ne connaissais même pas l'existence avant de préparer cette émission. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question posée par Gaëtan sur la page Facebook de l'émission à propos de l'origine du pique-nique. Oui, la curiosité de nos auditeurs n'a pas de limite, on pourrait le dire. Et bien ça tombe bien, car l'émission d'aujourd'hui s'adresse en priorité aux esprits curieux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est l'atoll le plus isolé du monde. Vous savez ce qu'est un atoll, hein ? C'est une île d'origine corallienne qui a la forme d'une ceinture, d'un anneau de corail autour d'un lagon central. L'atoll de Clipperton, de son nom français île de la Passion, se trouve à 12 000 km de la métropole, à 1280 km à l'ouest de la côte mexicaine. Autant vous dire qu'on est en plein dans l'océan Pacifique. La taille de cet atoll est minuscule, environ 9 km carrés. On en a beaucoup parlé, souvenez-vous, il y a une dizaine d'années, quand Jean-Louis Étienne a mené l'expédition Clipperton avec pour objectif de réaliser un état des lieux, de la faune et de la flore local. Évidemment, cette toute petite couronne perdue au milieu de l'océan est inhabitée, si ce n'est par quelques 11 millions de crabes, ça laisse rêveur, et par des milliers d'oiseaux marins. Beaucoup de soleil à Clipperton, évidemment, peu de végétation, hormis quelques palmiers un peu chétifs. Les seuls qui l'aient régulièrement visité, cette île, si je puis dire, ce sont des contrebandiers, des pêcheurs et des chercheurs de trésors, car la légende veut qu'un trésor ait été enfoui sur l'atoll par celui qui l'a découvert en 1704, un corsaire britannique qui était naturaliste à ses heures, John Clipperton. Il venait de quitter l'expédition du capitaine William Dampier et il avait fait de Clipperton, de cet îlot, on va dire, sa base, si vous voulez. Aucune trace écrite de son passage n'a été retrouvée, ça a chagriné pas mal les historiens. L'atoll, aujourd'hui, néanmoins, porte le nom de ce découvreur de Clipperton. Alors au-delà du trésor, il faut vous dire que cette île est considérée comme mystérieuse et même par certains comme maudite. L'histoire de Clipperton est en effet jalonnée de drames, de naufrages, de meurtres et de longues périodes d'oubli. Alors aujourd'hui, cette petite terre du bout du monde relève du haut commissaire de la Polynésie française, qui en est l'administrateur délégué, en vertu d'un arrêté du 3 février 2008. Du reste, l'atoll est soumis à l'ensemble du droit français. Il appartient au domaine public. Il se trouve inscrit à ce titre au tableau des propriétés domaniales de l'État. Ce qui veut dire, pour parler clair, qu'il est réservé, sauf autorisation spéciale, aux militaires et aux scientifiques mandatés par l'État. Ça peut servir après tout, hein, le code postal de Clipperton, je vous le donne, 98 799. Aucune boîte aux lettres pour aucun facteur, note Bruno Fuligny. Le 3 avril 1711, cet atoll est redécouvert, si je puis dire, par les Français. On est donc 7 ans après Clipperton. Les découvreurs ou redécouvreurs sont un Havrais, Michel Dubocage, qui navigue à bord d'un vaisseau bien nommé, la Découverte, et Martin de Chassiron, qui lui commande la Princesse. Ils étaient en route pour l'Asie. Ce 3 avril est un vendredi saint. C'est pour ça que l'atoll est baptisé par les Français île de la Passion. Et d'ailleurs, les Mexicains, aujourd'hui encore, parlent de l'Isla de la Passion. Enfin, je vous dis ça avec un accent espagnol qui ne s'impose pas lorsqu'on parle le mexicain. Enfin, peu importe, Dubocage va réaliser la première carte de l'île. Mal relevée, nous dit Bruno Fuligny, l'île ne fut pas retrouvée de sitôt. Dans son tour du monde des terres françaises oubliées, on peut dire que Clipperton, on peut pas dire à la palme des terres oubliées, mais enfin, c'est vraiment un îlot que tout le monde avait un peu perdu de vue. Et puis, la France va s'y réintéresser en 1858. Le 2 juillet de cette année-là, le ministre de la Marine nomme le lieutenant de vaisseau Victor Lecoad de Kerwegen commissaire du gouvernement avec pour mission d'aller reprendre officiellement possession de Clipperton au nom de l'empereur Napoléon III. Alors, Kerwegen va embarquer le 15 juillet sur un navire qui s'appelle l'Amiral. Il quitte le port du Havre sous le pilotage du capitaine de Taille. Le 17 novembre suivant, l'amiral donc arrive près de Clipperton. 5 hommes débarquent, non sans difficulté d'ailleurs. Ils vont faire une escale de 4 jours. Ils réalisent un certain nombre de prélèvements, notamment de guano. Le guano, vous savez, c'est cette fiente d'oiseaux marins qui peut être utilisée comme engrais. Le coat de Kerwegen écrit dans son rapport, je le cite, « Je ne crois pas que le guano soit exploitable, car il est mélangé à du sable et des débris de madrépore. Et de plus, il faut considérer la grande distance entre Clipperton et la France. » Ah oui, ça c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Il va quand même réaliser une carte de l'île. Puis, il repart avec son navire vers Hawaï. Le 12 décembre, ils arrivent à Honolulu. Le lieutenant annonce au consul de France la prise de possession de l'atoll au nom de Napoléon III. Il le signale au gouverneur d'Hawaï. Et cette prise de possession, elle va être publié les 18 et 26 décembre 1858 dans le journal The Polynesian. Alors disons-le tout de suite, cette mainmise autoritaire ne plaît pas à tout le monde, et notamment elle ne plaît pas du tout aux grands voisins de Clipperton, pour peu qu'on puisse parler de voisinage à quelques 1300 km de distance. En l'occurrence, c'est le Mexique qui n'est pas content. Les Mexicains ne reconnaissent pas les droits des Français sur cette terre. Ils estiment que Clipperton fait partie de l'extrémité occidentale de leur propre aire d'expansion. Par la suite, ce seront les États-Unis qui vont tenter de s'imposer à Clipperton. Ils s'en retireront à la demande de la France. Ensuite, les Mexicains vont donc vraiment s'y installer très discrètement, en petit nombre. Ils exploitent les gisements de guano jusqu'à l'épuisement. La vérité, c'est qu'il aura fallu que les Américains et les Mexicains tentent de prendre Clipperton pour que la France s'y intéresse véritablement. Alors pour résoudre le différend diplomatique, la France et le Mexique décident de recourir à une instance arbitrale, le tribunal international de La Haye, qui va être chargé de trancher, présidé par le roi d'Italie, Victor Emmanuel III. On est là en mars, l'affaire, l'arbitrage commence en mars 1909, mais il ne sera rendu cet arbitrage que le 2 janvier 1931. Et là, Clipperton est officiellement décrété comme appartenant à la France. Et donc l'arbitrage du roi Victor Emmanuel, qui, il faut vous le dire, appartient maintenant au même camp des vainqueurs de la guerre de 14-18, même si on sait ce qu'il en est de l'Italie dans cette affaire, je ne vais pas entrer dans tous les détails. La vérité, c'est que le roi d'Italie n'a pas du tout de sympathie pour le Mexique et pour ses révolutionnaires. Le gouvernement mexicain, en tout cas, réagit. En France, la réaction est tout autre, puisque lorsque l'ambassadeur d'Italie apporte la décision d'arbitrage, personne ne sait même plus de quoi il parle. Cette souveraineté dont nous n'avons rien à attendre que des dépens ou des désagréments peut être cédée, dit l'ambassadeur de France à Rome au Quai d'Orsay. Clipperton reste à mon sens dans les excédents de bagages dont il est de prévoyance de s'alléger. Et la presse va titrer à cette époque, on est donc en 1931, elle titre « Une colonie française retrouvée dans un carton du ministère ». Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une l'océan langueur d'une sirène à chaque vague. Oh, viens, viens mon amour, là-bas ne serait point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans est le bel âge. Jacques Brel sur Europe 1, un extrait de son titre Une île, et nous revenons à l'île de Clipperton avec vous Franck Ferrand. Alors oui, cet îlot, cet atoll de Clipperton au large du Mexique, que tout le monde s'est plus ou moins disputé, qui revient officiellement à la France en 1931. La France va hisser pavillon à l'envoi, le croiseur Jeanne d'Arc s'en charger en 1935. Ça devient une base américaine au moment de la guerre du Pacifique. Hein. En 1942, les États-Unis s'y installent, mais l'îlot sera rétrocédé officiellement à la France en 1945, et on sait que le général de Gaulle, à la fin des années 60, de 66 à 69, va y lancer une véritable expédition nommée Bougainville. Pendant toute cette période, et notamment pendant la grande bataille diplomatique dont je vous ai parlé tout à l'heure, il s'est passé sur l'île un événement assez étonnant, une incroyable épopée humaine, et c'est ce dont j'aimerais vous parler maintenant. Le Mexique avait donc à l'époque décidé de se réapproprier le territoire de Clipperton. En 1905, le général Porfirio Diaz envoie une garnison sur cette île, avec comme simple mission bien sûr d'occuper le terrain. L'officier en charge de la prise en main du territoire et surtout de sa défense en cas d'attaque, c'est le capitaine Ramon Arnaud. Qui est-il ? Oh, c'est un officier mexicain, mais dont le nom vous indique bien qu'il est d'origine française. Il va s'installer à Clipperton le 11 septembre 1905. Il en devient le gouverneur au nom du Mexique. Alors, il prend ses quartiers avec un sergent, 10 soldats et leur famille. Puis, petit à petit, vont les rejoindre des ouvriers d'origine italienne. Pas mal, quand même, une soixantaine, qui sont là pour exploiter le guano, bien entendu. En tout, ça va faire quand même près d'une centaine d'habitants, le plus grand nombre d'habitants que Clipperton aura jamais eu dans son histoire, finalement. Je vous ai dit, hein, pas de végétation, une mer dangereuse, parce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est infesté de requins, ce coin-là. Il faut recueillir l'eau de pluie dans des citernes, parce que c'est le seul moyen qu'on a de trouver de l'eau potable. Enfin, c'est pas facile, évidemment. Pour assurer leur survie, les Mexicains sont ravitaillés par la marine mexicaine, par bateau. Voilà ce que nous dit la petite fille du capitaine Ramon Arnaud. Suit une période de relative tranquillité durant laquelle le capitaine et sa femme s'occupent de rendre habitable l'île et engendrent 2 enfants, Ramon et Alicia. Les conditions de vie sont rudimentaires, mais somme toute acceptables grâce à la visite de la marine mexicaine qui, tous les 6 mois, pas tous les matins évidemment, vient relever le contingent et apporte des denrées alimentaires du continent. Lors de l'une de ses visites, Ramon Arnaud apprend que la révolution a éclaté au Mexique et que Porfirio Diaz a abandonné le pouvoir et est parti en exil en France. Face à cette situation aussi nouvelle qu'imprévue, Ramon Arnaud décide de partir à Mexico pour recevoir les ordres de ses nouveaux supérieurs et savoir si sa mission à Clipperton va se poursuivre ou non. Jusque-là, tout est logique. Il va quand même passer 3 ans sur le continent, à Arnaud, avant de retourner sur l'île. Il en reçoit finalement l'ordre. En janvier 14, avec sa femme et ses 3 jeunes enfants, il est donc de retour. Entre temps, un enfant est né au Mexique. Hein. Ils sont de retour à Clipperton, accompagnés par une jeune Mexicaine chargée de s'occuper des enfants, mais aussi de 11 militaires et de leurs épouses qui vont donc devoir remplacer le contingent de soldats qui était resté sur place. La vie reprend son cours peu à peu. Seulement très vite, la situation se dégrade. En février 1914, l'île est touchée par un violent cyclone qui va détruire les maisons, arracher les jardins potagers, etc. Très important ce jardin potager parce que il avait été... Faut imaginer ce que c'est Clipperton. Hein. Je suis allé voir sur internet tout simplement des photos aériennes de l'île. Ça n'est jamais qu'une espèce de petit ruban de pierre comme ça au milieu de l'océan. Vous voyez, donc un jardin potager, c'est très très très important. Bon. Le cyclone a fait chavirer le Nokomis, qui est donc le navire. Il y a eu 12 rescapés de ce naufrage. Ces 12 rescapés, il va falloir les nourrir, hein, les 12 rescapés de ce navire qui croisait au large. Les habitants vivent dans l'attente d'un nouveau ravitaillement. Depuis début juin, ça veut dire qu'on est 4 mois après le cyclone, puisque le cyclone a eu lieu en février. au bout de 4 mois, on n'a toujours vu aucun bateau. Alors, Arnaud va commencer à organiser le rationnement pour éviter la pénurie alimentaire. Ça crée des tensions. Et il y a ces naufragés de ce bateau hein, qui sont de plus en plus mal vus. Ils sont considérés comme des bouches inutiles, si vous voulez. Le capitaine des naufragés décide d'aller chercher de l'aide. Il envoie 4 de ses marins à Acapulco à bord d'un canot de sauvetage. Ils vont arriver après 17 jours de traversée, c'est-à-dire qu'ils auront quand même fait 1000 km à la voile et à l'aviron. C'est un exploit incroyable. Ils vont demander l'envoi immédiat d'un navire pour Clipperton. Le 25 juin 1914, un bateau de guerre américain, le USS Cleveland, arrive donc à Clipperton. Les 8 naufragés qui restent là vont donc monter à bord. L'entrepreneur chargé d'exploiter le guano part également. Le capitaine américain propose à Ramon Arnaud de le ramener sur le continent avec ses hommes et leur famille. Seulement, ils refusent. Ils vont rester à Clipperton et le soir même, donc, le Cleveland quitte Clipperton et il laisse des provisions, 137 boîtes de conserve. Voilà le témoignage que nous a laissé le fils de Ramon Arnaud. Notre existence d'abandonné était évidemment plutôt monotone et nous cherchions à occuper notre temps. Puisque les bateaux ne venaient plus, il n'y avait pas d'exploitation à assurer. Les adultes se réunissaient, conversaient, jouaient aux cartes, pêchaient, lisaient. Nous avions une bonne bibliothèque, surtout des livres anglais, quelques-uns mexicains ou espagnols. Mon père et ses subordonnés travaillaient, faisaient l'exercice, s'occupaient du phare et surtout maintenaient une veille constante dans l'espoir de voir apparaître un bateau. C'était là le thème centrale de notre existence et, disons-le, notre principal souci. Il est difficile de se nourrir maintenant, vous savez, sur ce petit atoll qui n'est plus ravitaillé, la maladie va s'en mêler avec le scorbut hein, qui est lié, vous savez, comme la maladie des navigateurs et des naufragés, hein, elle est liée à un déficit en vitamine C, elle fait ses premières victimes et au début de l'année 1915, il n'y a plus que 16 survivants. Voilà ce que dit Patrick Lefort. Seules les noix de coco peuvent offrir l'indispensable vitamine C, mais il n'y en a pas assez. Les cocotiers sont dégradés par des sentinelles pour interdire les vols et la garnison n'a droit à se partager qu'une seule noix par semaine. Vous imaginez, c'est même plus du rationnement à ce niveau-là. Voilà ce que nous raconte Bruno Fuligny dans son tour du monde des terres françaises oubliées. En 1915, écrit-il, après 5 années d'enfer et de privation, le gouverneur Arnaud n'est plus que le chef loqueteux d'une tribu famélique et hallucinée. Il croit voir un navire au loin et tente le tout pour le tout. Avec les 3 militaires qui lui restent, il monte sur une petite embarcation et tente de gagner la haute mer. La barre renverse l'esquif et les héros sont dévorés par les requins sous les yeux de leur progéniture. Voilà donc maintenant des femmes et des enfants qui sont littéralement abandonnés à leur sort. Nous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'îlot de Clipperton. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'îlot de Clipperton. Alors cet îlot de Clipperton connaît des jours terribles, vous avez bien compris. Il n'y a plus maintenant que ces femmes et ces enfants qui sont là et qui essaient de survivre en capturant des crabes, en ramassant les œufs des oiseaux qui peuplent l'île tout de même. Heureusement, l'eau douce ne manque pas parce qu'il pleut beaucoup à ce moment-là. Alors il y a un homme quand même, un seul. Tout le monde le croyait mort et finalement il va survivre. Il a survécu au scorbut. Il s'appelle Victoriano Alvarez. Voilà le portrait qu'en dresse le fils du capitaine Arnaud. C'était un homme de petite taille, nous dit-il, de teint sombre, natif de Colima, peu loquace, triste sans doute parce que sans famille, un homme seul, à instinct primitif, fumeur de cannabis, bon tireur au Moser, un simple soldat, âgé de 35 ans. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cet Alvarez, au teint plus que sombre, hein, c'était un homme de couleur qui avait vécu une vie d'humiliation et qui sans doute va vouloir se venger de tout ce qu'il avait vécu et il va s'auto-proclamer roi de Clipperton, sur une toute petite population de femmes et d'enfants, c'est pas très compliqué, et il va transformer toutes les femmes de l'île plus ou moins en esclaves sexuelles et les enfants en serviteurs. Et ça va durer pendant 2 ans, cette espèce de tyrannie incroyable où l'on voit chaque soir une femme à tour de rôle venir lui faire à manger, lui tenir compagnie, si je puis dire, dans son refuge au pied du phare. Alvarez s'en est d'abord pris à Juana et qu'il a fini par assassiner. Même sort pour Algracia. Toutes les femmes et même les petites filles vont être victimes de viols. Jusqu'à ce que deux femmes se révoltent tout de même. On est le 18 juillet 1917 quand Tirsa et Alicia vont parvenir à tuer Alvarez après quand même 2 ans de sévices et de tyrannie absolument incroyable. Est-ce que c'est une coïncidence ? Toujours est-il que ce même jour, figurez-vous, le même 18 juillet 1917, les habitants de Clipperton voient au loin un navire qui s'approche en direction de l'île. Il s'agit du navire de guerre Yorktown. Le capitaine Perry est chargé de réaliser une visite d'inspection à Clipperton avec pour objectif de vérifier que l'atoll ne serait pas utilisé par les sous-marins allemands. On est en pleine guerre sous-marine, on est en 1917. Et puis finalement, ce qu'il va découvrir n'est pas du tout ce qu'il attendait, bien entendu. Ça faisait 3 ans que pas un bateau n'avait accosté à Clipperton, évidemment. Voilà le témoignage de Raymond Kerr, qui raconte son arrivée sur l'île à son ami Wallace Wharton, qui était un journaliste de l'Oregon Sunday Journal. On est en 1921. Il dit « Alors que notre chaloupe s'approchait de l'île, nous avons distingué une silhouette qui courait sur la plage en agitant frénétiquement un chiffon blanc. » Un peu plus loin, il écrit « Trois femmes étaient là, debout sur le sable, vêtues essentiellement de toile à voile. L'une d'elles, la main jointe avec une dague, nous a demandé ce que nous voulions. Quand je lui ai dit que nous étions des Américains, elle s'est effondrée et s'est mise à pleurer en nous suppliant de les emmener hors de cette île. » Là-dessus, ajoute-t-il, nous les avons observés avec plus d'attention. La femme à la dague nous a paru être le chef. Nos questions ont alors révélé qu'elle était l'épouse du capitaine Arnaud et que les 3 femmes et les 8 enfants étaient ce qu'il restait de la garnison. Un peu plus loin, dans le même témoignage, il y a ces phrases marquantes. Le phare se trouvait d'un côté de l'atoll opposé à celui où vivaient les femmes et on ne pouvait l'atteindre qu'en suivant les 3 bandes de terre qui formaient l'île. J'ai finalement trouvé la cabane et découvert que la Yaki, donc celle qui avait témoigné, qui avait raconté un peu tout ce qu'elle avait vécu, avait dit la vérité. Cet homme, donc ce tyran, était mort, aussi mort que le clou d'une porte. Je le laissais au crabe de sable et m'en retournais aider les rescapés. Le navire, le Yorktown, va donc ramener les survivants de la garnison mexicaine sur le continent où ils arriveront le 21 juillet 1917. Ils auront été évacués vers la Californie. Alors c'est sans doute ça l'épisode le plus dramatique de l'îlot, de l'atoll de Clipperton, mais vous allez voir que ce tout petit morceau de France perdu dans l'océan Pacifique nous réserve encore pas mal de surprises. Grâce à Bruno Fuligny. Bonjour Bruno, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre et nous parler de toutes ces terres oubliées du bout du monde. Alors on va reparler de Clipperton et on va découvrir toutes sortes d'îlots dont je suis persuadé que nos auditeurs jusqu'à cette minute même n'ont encore jamais entendu parler. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du tour du monde des terres françaises oubliées avec vous Franck Ferrand et votre invité Bruno Fuligny, écrivain et historien, auteur justement du tour du monde des terres françaises oubliées aux éditions du Trésor. Comment est-ce que l'idée vous est venue, Bruno Fuligny, de répertorier comme ça toutes ces miettes, ces confettis de l'Empire, comme on dit, à travers la planète, sur l'ensemble du globe? Il y a une catégorie d'ouvrages que j'aime particulièrement lire, ce sont les atlas. Ah oui. Vous savez qu'on lit une carte. Et une carte, c'est pour moi un calligramme, en fait. Il y a des dessins, il y a des inscriptions, tout ça est mélangé. Et si on feuillette les vieilles cartes, les vieux atlas, on trouve comme cela toutes sortes de curiosités. Pourquoi est-ce qu'une île du bout du monde va avoir un nom français? Pourquoi est-ce qu'une frontière bizarre passe là, au bout du monde? Et c'est en recherchant un petit peu les causes de ces curiosités-là que j'ai fini par rassembler toutes ces histoires étonnantes qui font qu'aujourd'hui, on peut faire le tour de la planète sans quitter la France. C'est ça, le tour de la planète, parce qu'il faut bien préciser que la France a des territoires sur tous les continents, dans tous les océans, sous toutes les latitudes. Alors ce sont parfois de tout petits territoires, mais en quelque sorte la présence française est là. Ce qui nous permet d'avoir du reste un très grand domaine maritime. Le domaine maritime français est le deuxième au monde derrière celui des États-Unis. Et encore, c'est parce qu'il y a quelques îles que nous avons complètement perdu de vue. Si nous les retrouvions, nous passerions au premier domaine maritime du monde. Mais pour donner quelques chiffres, la France métropolitaine, c'est 552 000 km² de terre ferme. Si on ajoute tout l'outre-mer, y compris la gigantesque Terre Adélie, on double. Oui. On est à 1 100 000 km², là encore, de terre ferme ou de glace. Et puis, si on ajoute le domaine maritime, alors là, on dépasse les 12 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire que c'est plus vaste que la Chine. Et c'est amusant ça, parce qu'on a l'impression que ces toutes petites possessions sont parfaitement anecdotiques, qu'elles sont là uniquement pour quasiment créer des cols pour les étudiants ou les fins de dîner. Et en vérité, ça pourrait, dans un avenir peut-être pas si lointain, devenir essentiel, parce que si l'on envisage d'exploiter le fond des océans, alors là, la France peut devenir en potentialité la première puissance d'exploitation maritime au monde, en fait. Franck, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que l'histoire est ironique et finalement les quelques territoires que nous n'avons pas décolonisés, faute de le pouvoir, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de population dessus pour réclamer le départ des Français, eh bien c'est peut-être un gage de puissance pour le siècle à venir. Le minuscule atoll de Clipperton commande un domaine maritime de 430 000 km². C'est plus grand que l'Allemagne en superficie. Alors cela comporte donc des ressources halieutiques, c'est-à-dire de pêche colossales qui ne sont pas exploitées, mais si on exploitait les licences de pêche sur ces eaux, eh bien ça correspondrait à un revenu très important. Et je ne parle pas du sous-sol sous-marin. Alors il y a la vieille question des nodules polymétalliques qui est agitée depuis des décennies. Bien sûr, oui, ça, depuis les années 80 au moins. Hein. Alors ça c'est encore un fantasme, mais si un jour cela devient une réalité, eh bien ce sera tout à fait sensible. Moi je pense toujours à cet exemple historique qui sont les Russes vendant la considérant qu'ils n'en ont rien à faire. Et puis après, on va y découvrir du pétrole et puis on va se rendre compte que c'est tout à fait stratégique par ailleurs. Eh bien, ces territoires-là, ils ont ces vertus. Bien sûr, ils ont un côté dérisoire, un côté désuet. Ça nous rappelle de vieilles aventures qui datent de la monarchie ou des empires ou de l'empire colonial. Bon, mais ce sont aussi des territoires qui sont souvent dans des zones stratégiques et qui peuvent avoir à terme un intérêt économique certain. Moi qui passe mon temps à dire aux Français que l'une de leurs grandes richesses, c'est le patrimoine culturel. Et c'est l'histoire que tant de peuples nous envient, parce que c'est très rare un grand pays qui a une grande histoire. Il n'y en a pas tant que ça, on pourrait les compter sur les doigts des deux mains d'une certaine manière. Il faut bien que les gens soient conscients de ça. Et donc nous avons, par héritage historique, nous avons cet immense domaine, alors qui certes est en grande partie sous-marin, mais qui un jour pourrait se révéler d'une importance essentielle. C'était bien de commencer cet entretien tous les deux en le soulignant, parce que maintenant nous allons évidemment entrer dans des choses nettement plus anecdotiques. Alors d'abord Clipperton, d'abord ce monde clippertonien, l'île elle-même, j'ai raconté cet épouvantable épisode. Hein. Que faisaient ces Mexicains sur l'atoll de Clipperton? Pour les Mexicains, c'est un territoire qui est lié au Mexique. Ils se considèrent en tant que puissance continuatrice de l'Espagne comme ayant des droits sur l'ensemble du plateau continental, sur toutes les eaux du Pacifique qui sont comme cela à l'ouest du Mexique. Et donc ils ont envoyé une garnison pour occuper cette terre qui est pour eux le point avancé du Mexique. Ça se heurte quand même à des prises de possession françaises qui sont connues, qui ont été faites selon les règles. Et puis, manque de chance pour les Mexicains, il y a eu en 1931 une conférence sur les armements navals et la diplomatie de Mussolini voulait faire un cadeau pour mettre les Français de bonne humeur, à la veille de cette conférence, les Italiens ont cherché un petit peu dans les cartons de leur ministère s'il y a pas quelque chose. Cet arbitrage ils ont France, trouvé en ce fait. Vieil arbitrage, mais que tout le monde avait oublié. Et on s'est dit, tiens, on va donner Clipperton aux Français. Et donc, il y a une décision arbitrale tout à fait favorable à la France qui fait que voilà, la francité de Clipperton est indiscutable. Oui. Ça, personne d'ailleurs ne la remet plus en question là maintenant. Il y a des Mexicains ronchons. Oui, encore. Et j'ai eu la surprise de voir que des individus avaient même battu monnaie pour Clipperton, indépendamment des autorités françaises. Donc, mais qu'est-ce qu'on y fait nous aujourd'hui à Clipperton? Alors à Clipperton, il faut que ce soit bien clair, il n'y a aucune population permanente. Mais pour cause. C'est très difficile, évidemment. Encore que, c'est encore une fois, si on exploitait les ressources halieutiques des 430 000 km² d'étendue océanique, cela financerait largement une occupation humaine. Alors, pourquoi faire maintenant une occupation humaine? Il y a eu quand même régulièrement des missions scientifiques. Il faut voir que cet atoll, dont le lagon central est complètement coupé de l'océan Pacifique, est une boîte de pétri géante et donc un terrain d'observation tout à fait intéressant pour les biologistes. Il y a un intérêt diplomatique. c'est grâce à Clipperton que la France siège à la Commission du Pacifique Nord. Alors voilà. Parce que la France est présente dans le Pacifique Sud avec la Polynésie, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, mais pas du tout dans le Pacifique Nord, sauf grâce à Clipperton. Et puis, après, eh bien, il y a l'intérêt à venir, futur. Et quelqu'un comme le général de Gaulle, par exemple, lorsqu'il apprend qu'il y a une base américaine, on est en pleine guerre du Pacifique, lui, il est à Londres, eh bien, il a envoyé une lettre, mais tout à fait cinglante à Roosevelt pour dire Clipperton, c'est la France, partez. On a presque envie de dire à chaque fois, c'est quand même le général de Gaulle qui a cette vision, cette vigilance, etc. Un personnage extraordinaire. Il y a des îles tout près de Clipperton dont on a perdu quasiment la trace, c'est ça? C'est compliqué. Il y a quelques îles, c'est ce que les navigateurs appellent des îles de beurre, c'est-à-dire des îles qu'on voit un jour et qu'on ne revoit jamais, comme si elles avaient fondu au soleil. Et donc il y a des îles qui ont été vues. Alors soit on a mal relevé, c'est-à-dire que pendant très longtemps, par exemple, on a cru que l'île de la Passion était une autre île que Clipperton, tout simplement parce que les premiers navigateurs, qui n'avaient pas des instruments de grande précision, avaient mal relevé les coordonnées géographiques. On a fini par comprendre que c'était la même. Il y a d'autres îles qu'on a aperçues une fois et qu'on n'a plus jamais revues. Si on va dans l'extrême sud du Pacifique, par exemple, il y a eu en 1902 un navire qui a vu un récif qu'on a appelé le récif Ernest Le Gouvet, du nom du navire, et ce navire portait lui-même le nom d'un académicien, qui avait un admirateur, armateur, qui avait baptisé le navire de son nom. Et le problème, c'est que depuis, on n'a plus jamais retrouvé Ernest Le Gouvet. Et si on fouille un petit peu, on se rend compte qu'Ernest ni Le Gouvet... Ni le bonhomme, ni le récif. Le bonhomme, oui, mais lui, il n'a jamais quitté Paris, ni la coupole, où il était bien au chaud, bien tranquille. En revanche, si on s'intéresse au bonhomme, à l'écrivain, au dramaturge bien oublié aujourd'hui, Ernest Le Gouvet, on se rend compte que c'était un ami de Jules Verne, qui avait même poussé Jules Verne à se présenter à l'Académie française. Et les coordonnées géographiques du récif Ernest Le Gouvet sont grosso modo les mêmes que Tabor, c'est-à-dire l'île mystérieuse du capitaine Nemo. Donc on est pris d'un horrible doute et très vraisemblablement le récif Ernest Le Gouvet est un gigantesque canular monté par Jules Verne, Ernest Le Gouvet, un armateur, un capitaine. Mais ça a suffi pour berner les géographes et il y a encore pas mal d'atlas, de cartes où on trouve la trace à une petite tête d'épingle. C'est un peu une blague de potache, mais sur laquelle certains géographes s'épanche. Je me rappelle lorsque je travaillais au service historique de l'armée de l'air, au tout début de ma carrière, nous avions fait comme ça un canular, pour tout vous dire, et j'ai eu la très grande surprise dans un inventaire très sérieux l'autre jour, à l'issue d'un colloque, de découvrir que notre canular était désormais répertorié et faisait partie de l'histoire officielle. C'est comme ça, je n'ai pas osé dire, vous savez, c'est moi qui ai inventé cette chose, je laissais gentiment courir. Donc pour les historiens du futur, ça aura existé, cette histoire, c'est comme ça. Alors vous avez classé ces miettes de France en différentes catégories, Bruno Fellini. Alors, il y a, moi, la catégorie que je trouve la plus étonnante, c'est celle où la France est contestée, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne nous laisse pas partout les pleins droits ou la pleine souveraineté. Il y a des gens qui nous disent, non, vous n'êtes pas chez vous, en fait. En effet, autant les frontières européennes de la France, les frontières de la métropole sont aujourd'hui clairement délimitées, il n'y a pas de contentieux lourd sur ces frontières-là, autant il subsiste outre-mer un certain nombre de contestés, de contentieux. Alors par exemple, on pourrait citer les îles éparses. C'est un drôle d'ensemble parce que ce sont des îles qui justement ont pour seul point commun d'être éparses, c'est-à-dire de ne même pas former un archipel. Ce sont des petites îles, voire de petits archipels, qui se situent tout autour de Madagascar. Donc la France en avait pris possession au temps des colonies, bien sûr, sous la Troisième République, et puis au début de la cinquième, quand Madagascar s'achemine vers l'indépendance, on se rend compte que ces petits bouts de territoire dans le canal de Mozambique ou au milieu de l'océan Indien auront un intérêt stratégique. Et donc, deux jours avant l'indépendance de Madagascar, on signe un décret du 1er avril 1960 qui détache ces territoires de Madagascar. Et quand Madagascar devient république indépendante, c'est délesté de ces territoires qui forment aujourd'hui encore un territoire français. Et bien sûr, les Malgaches réclament ces cinq îles. Et puis l'une de ces îles qui s'appelle Tromelin est également réclamée par l'île Maurice, qui est la puissance continuatrice des Britanniques dans la région. On a parlé de l'île de l'île Tromelin, mais pour toute autre chose dans une émission il n'y a pas si longtemps. Parlez-nous du rocher diamant. Ça, c'est ça. Alors là, on est dans c'est très poétique. C'est très très poétique. C'est très britannique aussi. C'est plein d'humour. C'est sans doute le plus beau contesté territorial qui soit. Alors, j'ai eu la chance de naviguer le long du rocher diamant. Pour ceux qui connaissent la Martinique, vous avez un port qui s'appelle le Marin. Et lorsque vous quittez ce port en allant vers le sud, vous longez un rocher qui porte le nom de diamant parce qu'il a effectivement une taille en pointe. Et puis les reflets du soleil sur cette roche donnent l'impression d'une gigantesque pierre précieuse qui sortirait de l'eau. Il faut savoir que pendant les guerres napoléoniennes, qui ont également concerné les petites Antilles, les Anglais avaient réussi à occuper les grottes qui sont dans ce rocher, et il avait fallu une opération navale vraiment très audacieuse et qui a duré plusieurs jours pour les en déloger. Ça veut dire qu'aujourd'hui les Britanniques ne contestent pas que ce soit un territoire français, mais en fait ils contestent que ce soit un territoire. C'est-à-dire que pour les Britanniques, ça n'est pas un rocher, c'est une unité navale de la marine britannique, et donc chaque fois qu'un navire britannique passe le long du Diamond Rock vaisseau, hein, le vaisseau de Sa Majesté, eh bien on le salue. Comme si c'était un navire de la Navy. Voilà une des curiosités dont ce livre fourmille littéralement. J'espère que vous avez pris des notes, mais sinon c'est tout simple, il faut que vous alliez acheter Tour du monde des terres oubliées de Bruno Fulini, c'est aux éditions du Trésor. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. De l'ouverture des noces de Figaro de Mozart dirigée par Bruno Walter. Cet après-midi, nous faisons le tour du monde des terres françaises oubliées avec vous, Franck Ferrand. C'est également le titre de l'ouvrage de votre invité, Bruno Fulini, écrivain et historien. Ce livre est sorti aux éditions du Trésor. Alors, certains auditeurs se demandent peut-être ce que vient faire toute cette géographie dans une émission d'histoire, mais c'est parce qu'en fait, cette géographie-là est l'héritage immédiat de l'histoire. On trouve tous ces confettis de l'Empire parce qu'ils ont une histoire, bien entendu, et parce qu'ils sont d'une manière ou d'une autre rattachés à la France. Le cas le plus historique du livre, je crois, c'est celui de la fameuse île des Faisans qui a joué un rôle si important au XVIIe siècle, Bruno Fulini. Parce qu'il n'y a pas que dans l'océan Pacifique, on est tout près de chez nous, on est chez nous, aux antipodes de ce type de territoire. L'île des Faisans, c'est une île qui est tout à fait particulière. Elle est donc sur la Bidassoa, qui est ce petit fleuve qui sépare la France de l'Espagne. Alors d'un côté c'est la France, de l'autre c'est l'Espagne. Oui, mais au milieu, qu'est-ce que c'est? Alors on a trouvé une solution qui n'en est pas une, en considérant que l'île des Faisans était en indivision perpétuelle entre la France et l'Espagne. Alors ça a permis de rendre des services. Par exemple, lorsque François Ier a été capturé à Pavie, c'est là qu'on l'a déposé, que les Espagnols l'ont déposé. Avec ses enfants, d'ailleurs, une fois que la rançon a été payée, ça a fait une sorte de zone neutre, de zone tampon. Lorsqu'on a signé le traité des Pyrénées, eh bien, c'est également sur cette île. Donc une sorte de mini zone neutre, c'est tout à fait infime, hein, comme île, mais c'est tout à fait intéressant. Le problème, c'est qu'on pêche sur la Bidassoa et qu'il y a eu des litiges entre pêcheurs, y compris des bagarres sur cette île. Alors, il a fallu trouver un système pour y régler un peu la police, pour y faire régner l'ordre. Et en 1901, on a trouvé la solution suivante, que je vous livre. Eh bien, l'île change d'administration tous les 6 mois. C'est-à-dire que le 1er août prochain, la France va s'agrandir de 30 arts. L'île des Faisans va passer sous administration française. Et 6 mois plus tard, le 1er février, eh bien, elle passera sous administration espagnole. Alors, j'ai voulu savoir comment ça se passait. Si on envoyait unité navale, si on tirait 21 coups de canon, s'il y avait une cérémonie militaire grandiose. Pas du tout. Ça se passe par un simple échange de courrier. Et alors, pour la France... Ça doit même mettre des mails maintenant. Sans doute. Et pour la France, là, on est comme au temps des colonies, puisque comme c'est un territoire qui dépend directement de l'autorité suprême, pas de la municipalité, pas du département, pas de la région, eh bien, l'administration locale en a été confiée à la Marine nationale. C'est donc un officier de la Marine qui est à la charge de l'île des Faisans pendant les 6 mois de l'année où cette île est française. Alors ça, dans votre classification, ça fait de cette célèbre île des Faisans une île intermittente, mais il y a des îles réellement, comment est-ce qu'on pourrait dire, physiquement intermittente en fait. Oui. Alors qu'est-ce qu'une île physiquement intermittente? Eh bien c'est une île capricieuse qui monte et qui descend, qui apparaît et qui disparaît. Et il y a un très très beau cas en Méditerranée qui est l'île Julia. Alors c'est le nom que lui ont donné les Français. Les Britanniques qui la convoitent aussi l'ont appelée l'île Graham. Les Italiens l'île Ferdinandea, chacun a son petit nom. De quoi s'agit-il? C'est un volcan sous-marin. Mais dans une zone hautement stratégique. On est au sud de la Sicile, pas très loin de Malte, pas très loin de la Tunisie. S'il y avait une île stable à cet endroit-là, celui qui serait sur cette île commanderait le passage entre les deux Méditerranées orientale et occidentale. Donc c'est tout à fait intéressant. Le problème, c'est que cette île est très capricieuse. Alors des fois, elle apparaît pendant 24 heures et puis elle disparaît. En 1831, il y a eu une poussée très forte. C'est un volcan sous-marin. Quand l'éruption est forte, ça fait un gros tas de cendres chaudes qui dépasse, hein, qui est au-dessus du niveau de la mer. Et si on a de bonnes chaussures, on peut y débarquer. Et c'est ce qu'ont fait les Français en 1831, sous couvert d'une expédition scientifique. Alors ça, c'est remarquablement français. On a pris possession, mais pour le bien de l'humanité, pour l'avancement des connaissances positives. Et ça a été une des conquêtes de Louis-Philippe. L'île, quelques mois plus tard, est rentrée sous les eaux. Du moins, les cendres volcaniques ont été dispersées par les vagues, par le vent. Mais on sait que l'île, si j'ose dire, qui n'en est plus une, n'est qu'à 8 mètres de la surface des eaux. Donc il suffirait d'une poussée volcanique tout à fait minime Le territoire pour national que le territoire réapparaisse. Alors il y a quelques années, le Canard Enchaîné avait suggéré d'envoyer des hommes grenouilles mettre un drapeau bleu, blanc, rouge, étanche et inifugé pour que l'île ressorte française. C'était un gag, mais un gag tellement bien que des Italiens l'ont trouvé tout à fait intéressant. Et ce sont des plongeurs italiens qui sont allés mettre un drapeau et même une plaque, parce que on peut penser qu'un drapeau serait brûlé s'il y avait une éruption. Donc cette île qui n'est plus une île redeviendra peut-être une île. C'est ce que j'appelle une terre française intermittente. Oui, là, celle-là, elle est en pointillé d'une certaine manière. Alors, on aura remarqué dans tout le cours de cette émission que nous ne faisons pas un parcours géographique. On aurait pu faire comme Magellan, partir vers l'ouest et revenir par l'est. Nous ne le faisons pas parce que ça n'est pas votre démarche dans le livre. Vous avez classé les îles, enfin pas les îles, les territoires, je dirais, par famille, d'une certaine manière. Parce qu'ils ont des statuts différents. D'abord, il est important de savoir s'ils ont vraiment une existence physique ou bien si ce sont des terres intermittentes, voire complètement égarées. Le cas s'est trouvé. Et puis, il y a des statuts différents. Je dirais, il y a des territoires qui appartiennent à la France, en tant que République française. Il y a des territoires qui appartiennent aussi aux communes. Par exemple, il y a une petite commune des Pyrénées qui n'a aucun accès à la mer et qui est propriétaire d'une vaste île du Pacifique dans les Galapagos. Ça, c'est ce qui est le plus incroyable. Oui, c'est tout à fait étonnant et c'est une très belle histoire. Oui. Parce que vous savez que les Basques, les Béarnais, au XIXe siècle, sont partis nombreux aux Amériques et surtout en Amérique latine. Ils parlaient l'espagnol ou quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'espagnol. Ils n'ont eu aucun mal à s'y faire des situations importantes, dans le négoce en particulier. Et c'est ainsi qu'un Français originaire de Barcus, ce petit village pyrénéen, se retrouve commerçant prospère en Équateur, au moment où naît vraiment la République de l'Équateur. Il a des sous, il va donc en prêter aux soudards locaux et il a la chance de miser sur les bons chevaux, c'est-à-dire les deux généraux qui vont vraiment créer l'État équatorien et y établir une solide dictature. Les choses faites, il cherche à rentrer dans ses frais, mais il a quand même affaire à des soudards qui ont bu, perdu au jeu, dépensé 3 fois les sommes prêtées, qui ne sont pas hostiles, mais qui lui disent « voilà, on n'a vraiment pas d'argent pour vous rembourser ». En revanche, l'Équateur est propriétaire des îles Galapagos dans le Pacifique. On n'en fait rien de particulier. On veut bien vous les céder à titre de dédommagement. Et alors là, ce négociant est en même temps consul de France, donc très consciencieux, très honnête. Il écrit au ministère des Affaires étrangères pour dire voilà, la France a la possibilité de se rendre propriétaire des Galapagos. Alors nous sommes en 1844. Les diplomates considèrent que ça n'a vraiment aucun intérêt. Alors il insiste et il dit, mais vous savez, peut-être qu'un jour on percera un canal qui traversera donc l'isthme de Panama et ce sera intéressant d'avoir une base navale côté Pacifique. Alors là, vous savez, avant qu'on perce un canal à travers l'isthme de Panama, laissons tomber. Et on laisse effectivement tomber tomber et beaucoup plus tard, on s'en mordra les doigts. Sauf que lui, du coup, renonçant à faire acquérir les Galapagos à la France, va quand même, pour lui-même, obtenir des titres sur une des îles, Floreana. Et lorsqu'il rentre au pays, à la fin de sa vie, il va s'éteindre dans son village. Il lègue tous ses biens aux pauvres de la commune. Et c'est ainsi que la commune de Barcus a des titres de propriété sur une île des Galapagos. C'est incroyable. Et donc, le territoire que possède cette commune à l'autre bout du monde est plus grand que celui même de la commune, en fait. Plus grand, et il n'y a évidemment aucun moyen d'aller en bateau de la commune à Floreana. Alors, on n'aura pas le temps de parler de tous nos territoires austraux, notamment. Ça, c'est fondamental. Hein, tout cette France taaffienne, comme vous dites. Hein, c'est-à-dire les terres australes et antarctiques françaises, c'est-à-dire d'une part la gigantesque Terra Adélie, d'autre part un certain nombre de territoires bien connus comme les Kerguelen, les îles Crozet, des zones où il existe encore des bouts de territoire non cartographiés et où j'ai eu la surprise de découvrir qu'il s'était créé un langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de population permanente, ce sont des scientifiques, des techniciens qui s'y relèvent, mais ils ont inventé, généré, secrété tout un lexique en fait de termes, par exemple le cracou, le bonbon, le pacha, pour désigner les réalités qu'ils observent, la faune, la flore, la vie là-bas. Alors, il faudrait parler des Chesterfield, il faudrait parler... Bon, je laisse à nos auditeurs le soin d'aller découvrir tout ça dans votre livre, parce que franchement, chaque chapitre est plus passionnant que le précédent, c'est stupéfiant. Il y a même des îles carrément fantômes. Je pense à l'île des Cochons, par exemple. Alors, l'île des Cochons, donc ça fait partie des îles Crozet, et c'est une île dont on n'a pas la carte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a voulu faire une carte à partir de photographies aériennes, parce que c'est quand même difficile d'y débarquer et d'y rester, parce qu'il y fait en plus très froid. Le problème, c'est que comme il y fait aussi tout le temps mauvais, il y a une couronne nuageuse. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui encore ce qu'il y a sous les nuages. Moi, je trouve ça fabuleux. On est en 2014. On a des satellites qui emplissent littéralement le ciel et l'espace, et on n'est pas fichu de savoir à quoi ressemble une des possessions françaises, quand même, du Pacifique. Moi, je trouve ça merveilleux qu'il y ait encore un petit bout de terra incognita en 2014, et j'espère que ça durera. Oui, cette île des Cochons, donc on ne l'imagine pas. On ne sait pas exactement, on ne sait pas à quoi elle ressemble exactement, en fait, c'est ça. Précisément, il y a encore des doutes, et on peut encore, il y a encore, comme cela, des petites franges de la France qui restent tout simplement à explorer. Vous nous avez complètement... enthousiasmé, Bruno Fulini. Vous avez repoussé nos horizons aujourd'hui grâce à ce tour du monde des terres oubliées qui est publié et bien publié d'ailleurs avec une couverture qui se transforme en carte en planisphère. C'est assez beau aux éditions du Trésor. Merci beaucoup de nous avoir fait tout simplement rêver. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question posée par Gaëtan sur la page Facebook de l'émission à propos de l'origine du pique-nique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Gaëtan. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et il souhaite connaître l'origine du pique-nique. Alors, pour tout vous dire, c'est la bonne saison. Ça tombe bien. Hein, malheureusement, aujourd'hui, il pleut ici à Paris, mais le pique-nique, c'est la grande activité de mai et de juin. Ça n'est pas du tout nouveau. On a toujours organisé des déjeuners plus ou moins champêtres, plus ou moins festifs. Ce qui est assez récent, en tout cas ce qui est assez moderne, c'est l'idée d'en faire un moment de plaisir, de convivialité, de rencontre. Ça, c'est vraiment une invention de la fin du XVIIIe siècle avec tout le mouvement naturaliste, vous savez, et ce goût de retour à la nature où on redécouvre la campagne, où on redécouvre la montagne, etc. Et où on va vouloir vivre au milieu de la nature. Donc, ça va être la grande occupation, disons-le, des bourgeois du XIXe siècle. Songez au déjeuner sur l'herbe de Manet, bien entendu, à toutes ses habitudes, etc. Il y avait, cela dit, déjà le concert champêtre du Titien, par exemple. Encore une fois, on n'a rien inventé. Mais on a donné au pique-nique un côté un peu plus amusant, d'une certaine manière. Alors, le terme pique-nique est constitué des mots pique, de piquer, bien entendu, picorer, grignoter, et de nique, dans le sens de petites choses sans valeur. On disait autrefois, au XVIIIe siècle, une pique-nique. Au XIXe siècle, ça s'écrivait en un seul mot, P-I-C-N-I-C. Ça, c'était l'anglophilie ambiante. Aujourd'hui, on dit un pique, trait d'union, nique. Et effectivement, c'est devenu une occupation quasiment mondiale, planétaire.